L'œuvre classique du président Kim Il-sung, maintenant l'indépendance, et celle du dirigeant suprême Kim Jong-un, la cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, triomphera à coup sûr, se sont imprimés dans le journal hongrois Szabadság, à l'occasion du 8 juillet, jour du décès du président Kim Il-sung.